Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Élysée 81, une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a une furieuse envie de plonger dans les archives et de remonter le temps pour dérouler le récit d'une élection restée dans les mémoires et faire revivre toute une époque. Mais finalement, cette élection est-elle une victoire ou bien une défaite ? Alors pour commencer, les personnages. Un journaliste autoritaire, un jeune premier secrétaire, un président qui peaufine son texte, un journaliste qui analyse, des déjà vieux éditorialistes et une jolie plume. Ensuite, le décor, des réactions, des roses, une mairie vide, des tubes, l'exil, une défaite et une victoire, la rue de Marignan, des larmes, la Bastille, des courbes, une constitution, l'alternance, un vote punitif, la panique et la fête. Aujourd'hui, 4e épisode, avenue du président Kennedy, on organise le direct. Au studio 102 de la Maison de Radio France, ce sont les derniers préparatifs avant la prise d'antenne à 19h45 précise. Les portraits des deux candidats dessinés par Raymond Moretti sont en place. Le décor général a été un peu resserré pour une meilleure prise de vue. En régie, on s'affaire. Dans quelques instants, il faudra faire évacuer le plateau à tous ceux qui n'ont aucun rôle à jouer. Antoine Sanchez, vous venez d'y aller. Vos dernières impressions. Écoutez, c'est toujours l'effervescence en ce moment même dans le studio 102 de la Maison Ronde. Dans moins de 50 minutes, vous allez tous pouvoir découvrir le nom du vainqueur et les quelques 300 kilowatts utilisés au mieux par la technique, 116 avenue du président Kennedy, vont ensuite nous permettre de faire toute la lumière sur les résultats, les mouvances de part et d'autre au niveau des rapports de voix, PC, PS, RPR, UDF et la grande inconnue de ce scrutin, à qui aura vraiment profité l'abstention. Ainsi, sur votre plateau, à domicile, devant votre téléviseur ou encore dans votre voiture, à l'écoute de France Inter, cela va être une succession des plus grands politologues, tels Alain Lancelot, professeur à Sciences Po, ou encore des analystes, le président directeur général de la SOFRES lui-même, Pierre Veil, assisté de Jérôme Jaffray, que vous connaissez déjà, directeur pour ses études politiques. Et puis, d'innombrables face-à-face, ou plutôt corps à corps, si le résultat est aussi serré que l'on semble vouloir le dire, avec 3 grands débats regroupant les têtes d'affiche des 4 grandes formations politiques de notre pays. Enfin, si vous avez de la famille ou des amis à l'étranger, rassurez-vous, on pourra aussi également entendre la voix de la France grâce aux moyens techniques de Radio France Internationale, aussi bien pour la chaîne Ouest ou la chaîne Est que pour celle du Sud. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue de la maison de Radio France Quai Kennedy à Paris où nous sommes en ce moment et j'ai l'impression, d'après les chiffres que nous possédons, pour une très très longue soirée. 20h. Victoire de Mitterrand, défaite de Giscard. 20h et ceci constitue. Et ceci constitue une première estimation, mais il y a de bonnes raisons de penser que les chiffres sont assez significatifs. Nous avons ici une salle qui est pour moitié remplie de sympathisants de François Mitterrand et pour l'autre de Valéry Giscard d'Estaing. Je suppose que j'ai reconnu la moitié qui a applaudi. Voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la SOFRES, je vous en prie, non, les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement et je vous en remercie, 51,7% et Valéry Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner le plus rapidement et le plus objectivement qu'il nous sera possible l'information brute. Tout de suite, une première réaction. Rue de Solferino, à moins que Lionel Jospin ne soit déjà en mesure de faire une déclaration. Lionel Jospin, qui est depuis quelques mois, vous le savez, le nouveau patron du Parti Socialiste. Bruno Mazur. Oui, c'est... eh bien, je vais mieux vous dire que c'est ici un peu la pagaille et que si les grandes douleurs sont muettes, bien sûr, votre annonce de l'élection de François Mitterrand a provoqué une salve d'applaudissements extraordinaires. Bien qu'il faut bien le dire maintenant, la plupart des gens qui sont réunis ici savaient depuis une bonne heure que les fourchettes étaient bonnes pour François Mitterrand et que ce résultat n'a pas surpris beaucoup. Mais enfin, la confirmation officielle de ce résultat a bien sûr été ici accueillie avec beaucoup de satisfaction. En principe, vous le disiez, Lionel Jospin doit intervenir très très rapidement dès qu'il aura réussi à se frayer un chemin ici. Dans une panique assez invraisemblable. Oui, eh bien écoutez, tenez bon pour décrire tout ça, Bruno, et vous avez assez de talent pour le faire. Je crois que je vois Lionel Jospin qui est assis, peut-être peut-on le mettre à l'antenne tout de suite, et on va essayer d'avoir une déclaration. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste. Ce que je voudrais dire, c'est que dans un grand élan populaire et national, le peuple français vient d'élire François Mitterrand à la présidence de la République française. Ce soir du 10 mai 81, dans la cour de l'hôtel particulier de la rue du Solferino, les tentes rayées de vert et de blanc dressées pour l'occasion ne peuvent contenir la foule qui se presse, les bras chargés de bouquets de roses. À droite, c'est la consternation. Certains prédisent déjà l'arrivée des chars soviétiques sur les Champs-Élysées et ils seront quelques-uns dans les semaines à venir à choisir la route de l'exil pour échapper au péril communiste. Ce soir du 10 mai, les commentateurs n'arrivent pas à réaliser ce qui est en train de se passer et ne se préoccupent que d'une seule question : assiste-t-on à la victoire de Mitterrand ou à la défaite de Giscard ? Et je voudrais donc demander à Didiadès ce qui se passe à Chanona. Chanona, c'est la mairie du président sortant vaincu et où il y a visiblement maintenant une ambiance très, très petite. Il n'y a pas d'ambiance du tout. Il n'y a plus d'ambiance du tout. Il n'y a pas d'ambiance du tout puisque la mairie est vide. Il était prévu d'ailleurs qu'elle le soit. Et dans Chanona non plus, il n'y a pas d'ambiance. Dans la mesure où tout le monde est chez soi, vous savez qu'il a plu toute la journée, qu'il pleut encore. Il y a une dizaine de jeunes qui sont dehors devant la mairie à manifester leur joie devant l'élection de François Mitterrand. Quant aux réactions, il n'y en a pas eu, si ce n'est peut-être une tout à l'heure alors que le résultat a été annoncé à 20h sur TF1 et France Inter. Et il y avait dans le seul café du village un homme qui disait non, ce n'est pas possible, c'est pas vrai, vous êtes tous des menteurs. C'était bien évidemment, vous l'avez compris, un supporter de Valéry Giscard d'Estaing. Mais il faut dire que Chanona a voté à 55,42% pour Valéry Giscard d'Estaing. Alors donc chacun est resté ici ce soir chez soi, tout comme Valéry Giscard d'Estaing qui est dans son château familial de la Varvasse et il regarde la télévision. Pour le président sortant, pas de déclaration, à l'exception de ce télégramme envoyé dès 20h15 au nouveau président François Mitterrand. Mais je vous rappelle malgré tout que dans la mesure où Valéry Giscard d'Estaing a affirmé dans son message à François Mitterrand qu'il continuerait à défendre les intérêts essentiels du pays, il faut s'attendre que l'homme politique se fasse entendre très bientôt. Le quotidien de Paris, 11 mai. La bonne participation au scrutin avait encore conforté la confiance des Giscardiens. C'est bon pour nous, répétait-on aux rues de Marignan où l'attente n'était pas trop angoissée. Aussi, les premières estimations téléphonées dès 18h30 les prirent-elles vraiment au dépourvu. Sur le visage d'Anne Dornano, la femme du ministre et militante de choc, se lit alors l'écroulement de 25 ans de pouvoir. Face à elle, Mylène Descamps, attachée de presse du même ministre et autre militante de choc, déjà marquée par la fièvre d'une otite apparue comme un mauvais présage depuis le matin, reste figée, stupéfiée. La nouvelle se répand dans un lourd silence. Les larmes coulent chez le petit personnel, tandis que les attachés de cabinet et cadres de la campagne blêmissent. Les chefs, Jean-François Deniau, Philippe Ponté, Jean-Philippe Leca, se barricadent. Le patronat, on ne les verra pas de la soirée. Bien la force principale qui fait les choix économiques dans ce pays. Je vous interromps parce que le président de la République, le nouveau président de la République, suivi de son fidèle chauffeur Pierre, est en train d'arriver, comme il a été d'ailleurs toujours accompagné dans cette campagne, est en train d'arriver sur le lieu à Château-Chinon où il va faire sa déclaration. Il n'est pas tout à fait 22h, nous prendrons notre débat ensuite bien évidemment. Le nouveau président s'avance assez lentement dans la foule de ses sympathisants. Jean-Marie Cavada, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends, Alain, allez-y. Oui, François Mitterrand a eu quelques difficultés à sortir de l'hôtel du Vieux-Morvan. Actuellement, il est en train de se frayer le passage alors que la foule hurle, on a gagné. Où est Monsieur Mitterrand actuellement ? Dans la pièce derrière vous ? Monsieur Mitterrand actuellement est passé par un couloir par l'arrière de la mairie afin de ne pas traverser la foule, car je crois que c'est tout à fait impossible et hors de question. Il doit être en train d'être félicité encore par ses amis près de son bureau, dans le couloir qui mène près de son bureau. François Mitterrand est apparemment... Non, François Mitterrand n'est pas encore prêt, Jean-Marie Cavada. C'est Roger Hanin qui fait signe. Alain, je vous abandonne un instant, puisque Monsieur Mitterrand n'est pas tout à fait prêt. Je reviens à vous tout de suite. Je surveille l'image pour voir ce qui se passe. Et nous ne manquerons pas le départ de cette déclaration. Rue de Marignan, ça doit être le contraste saisissant. Marie-Laure Augry. Marie-Laure ? Oui, Jean-Marie, c'est le changement de ton ici, vous vous en doutez. Alors que rue de Solferino, on le voyait tout à l'heure, les gens ne cessaient d'arriver. Eh bien, ici, rue de Marignan, depuis 20h30, c'est le désert. Tout le monde est parti au PC du candidat Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a pratiquement plus personne. Même les gens du service de presse commencent à s'en aller. Alors, les réactions, eh bien, c'est surtout du côté des jeunes qu'elles ont été les plus vives. Moi, j'ai vu tout à l'heure de nombreux jeunes gens entre 18 et 25 ans qui pleuraient à chaudes larmes. Et certains tenaient des propos beaucoup plus durs, beaucoup plus violents, en disant « Eh bien, maintenant, on va se battre et Mitterrand va voir ce qu'il va voir. Il va voir que nous sommes déterminés Maintenant, à essayer de gagner les législatives. Bien, alors je voudrais qu'on essaie de rejoindre Château-Chinon, si c'est possible. Eh bien, écoutez, c'est possible, mais ce qui n'est pas encore possible, c'est d'entendre la déclaration de François Mitterrand. Un petit retard technique, tout simplement, je vais vous dire ce qu'il est en train de faire. Il a écrit tout à l'heure sur un papier libre dans sa chambre sa déclaration, et il est en train de demander qu'on lui tape à la machine. Alors voilà, c'est ce qui est en train de se faire dans le bureau, à côté du bureau du maire. Alors je voudrais maintenant que l'on redonne la synthèse IBM de façon à ce que ceux d'entre vous qui ont pris le programme en cours de soirée puissent voir où nous en sommes exactement. Je vous remercie. Non, la synthèse IBM, voilà. François Mitterrand, 51,9%. Et vous voyez que plus les résultats s'avancent et plus l'estimation de la Sofres se confirme très exact. Nous approchons maintenant les 52. Et Valéry Giscard d'Estaing, 48,1. La prévision d'ailleurs de la Sofres était Giscard 48, Mitterrand 52. Et nous nous en approchons effectivement assez fortement sur ces deux grands candidats qui rassemblent donc un grand pôle de voix. Et bien visiblement, les estimations sont assez bonnes. Tout de suite, la Bastille en direct à Paris où les dirigeants du Parti Socialiste avaient appelé à une manifestation que voici. Eh bien Jean-Marie Cavada ici à la Bastille. C'est une ambiance de fête, ainsi que vous devez pouvoir vous en rendre compte par l'ambiance qui règne ici. La fête qui est une liesse populaire et en même temps qui tient un petit peu du meeting, parce qu'on voit partout des drapeaux qui représentent toutes les tendances de la gauche et en même temps des drapeaux aussi des écologistes, des drapeaux verts, des drapeaux rouges, des drapeaux bleus et rouges, etc. Et au pas de la colonne de Juillet où je me trouve, vous entendez un orchestre qui s'est installé et qui va animer une fête qui va durer probablement toute la nuit. Il y a ici à peu près environ déjà 10 000 personnes, mais le boulevard Beaumarchais et le boulevard Richard Lenoir sont noirs de monde. Et on attend ici peut-être cette nuit, ainsi que l'a annoncé Claude Villers qui anime cette soirée, à peu près 100 000, 200 000 personnes peut-être, peut-être plus encore. On a annoncé, Claude Villers a annoncé la venue de vedettes de la chanson, comme Jean-Michel Karadec, Coluche viendra aussi, l'acteur Jean-Louis Trintignant. Et alors pour l'instant, comme vous l'entendez, c'est la fête. C'est la première fois que je vois Paris comme ça. Les gens qui se parlent, qui sourient, qui s'embrassent, bon bêtement, il y a de la viande saoule. Mais c'est pas mai 68 et c'est pas une victoire de Giscard. C'est autre chose, quelque chose de différent. Les gens mesurent peut-être pas exactement ce qu'ils font, ce qu'ils disent. On a envie de penser, enfin, moi j'ai pas connu, mais au Paris de 36, enfin aux vieilles images, aux vieilles chansons populaires, à la vraie fête. La fête pas sordide, pas sanglante, pas d'ivresse, une espèce de sérénité, de joie simplement chez les gens. Je trouve ça, j'avoue que je suis très surpris, même un peu ému d'ailleurs. On peut vous considérer comme apolitique dans vos explications ? Pas du tout. J'ai voté Mitterrand et ça m'a coûté 110 francs le train aller-retour pour aller voter. Mais je pense que tous, ils ont dit à Mitterrand, t'as ta chance, la rate pas. J'en bois. À Château-Chinon, on attend avec impatience la déclaration du président Mitterrand, qui célèbre sa victoire à l'hôtel du Vieux Morvan, entouré de ses proches. Château-Chinon, y a-t-il du neuf ? Oui, oui, Alain. Eh bien, voilà, François Mitterrand est prêt à parler. Je pense que vous allez pouvoir, si toutes les télévisions sont prêtes et si toutes les radios sont prêtes, nous allons pouvoir entendre la première déclaration du nouveau président de la République française, François Mitterrand. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humble militant pénétré d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. À tous, je dois, et l'honneur, et la charge, des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Ma pensée va, en cet instant, vers les miens aujourd'hui disparus, dont je tiens le simple amour de ma patrie et la volonté sans faille de la servir. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que, dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle. Mesdames et messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. À Monsieur Giscard d'Estaing, que je remercie de son message, j'adresse les vœux que je dois à l'homme qui, pendant 7 ans, a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci. François Mitterrand, quel est maintenant votre programme pour la soirée ? Rentrez à Paris immédiatement. Eh bien écoutez, François Mitterrand, comme il y a 15 jours, n'a pas voulu ajouter de commentaires à sa déclaration, il va maintenant essayer de quitter la mairie de Radio de Château-Chinon, oui. Alors que la foule de ses supporters est de plus en plus. Nous allons revenir maintenant à des choses plus chiffrées et nous allons observer ce qui s'est passé de façon plus scientifique durant toute la soirée en regardant la courbe qui est née de l'enregistrement des résultats. Oui, qui est né de l'enregistrement des résultats par les ordinateurs d'IBM, que je remercie de l'extrême qualité du service qui est apporté aux spectateurs de TF1 et que je décrirai aux auditeurs de France Inter, ou plutôt qu'Alain Fernbach va nous décrire. Alors, oui, il faut bien tout de suite donner la règle du jeu, c'est-à-dire que signifient les couleurs si vous avez la télévision couleur, et sinon la courbe du dessus, alors, du dessus et la courbe moyenne. La courbe du dessus, la courbe de François Mitterrand, vert pour ceux qui ont la couleur, couleur bleu ciel, c'est Giscard. Et on voit qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire à 22h06, l'écart entre Mitterrand et Giscard est, pour ainsi dire, 1 million de voix. Les chiffres que nous donne l'ordinateur sont extrêmement clairs. On voit le score de François Mitterrand, 12 781 707, Giscard 11 792 951, écart à l'heure actuelle 988 756, si j'ai bien lu, et je pense que tous les téléspectateurs ont lu les mêmes chiffres que moi. Voilà, alors je demande à nos confrères qui nous font la description, c'est ça, de cette carte, non, de revenir, non, revenez s'il vous plaît sur la courbe, vous allez voir comment s'est creusé l'écart et à partir de quel moment. Voilà, vous revenez en arrière, un petit zoom, un petit mouvement sur la gauche s'il vous plaît de l'écran, et ce sera parfait. Il n'y a rien de plus difficile à manier qu'une caméra, surtout quand le caméraman n'entend pas, parce que, voilà. Alors on voit très regardez bien, bien. On à partir de 22h, que c'était net. Alors. Voilà, à partir de 22h, c'est extrêmement net. Et disons qu'à 21h, il y avait un point d'écart. Et que la tendance est que l'écart se creuse, oui, assez sensiblement entre Mitterrand et Giscard. Je voudrais rejoindre rue de Marignan, Dominique Souchier, qui, notre confrère de France Inter, qui pour cette soirée de France Inter TF1 couvre ce qui se passe là-bas. Alors évidemment, le contraste est tout à fait saisissant, c'est la désolation, c'est en tout cas le chagrin. Et je crois que vraiment, quelle que soit la hargne politique des campagnes, il me semble ne pas démentir les vainqueurs en disant qu'il faut beaucoup de respect pour ceux qui ont perdu un combat. C'est un peu ça qu'on voit sur l'image où je vous trouve, Dominique Souchier. Exactement, Jean-Marie Cavada. Ici, c'est le désert le plus total. Les Giscardiens avaient prévu un grand buffet, mais il n'y a personne autour. Ils avaient installé des haut-parleurs dans la rue, mais ces haut-parleurs ne diffusent plus rien. C'est le silence, c'est le désert. Nous avons vu Jean-Philippe Leca quelques minutes. Depuis quand, à quel moment, lui ai-je demandé, Valéry Giscard d'Estaing a-t-il réellement envisagé sa défaite? Sa réponse, depuis 8h01. En fait, je peux vous dire, et je peux vous confirmer ce que Didiades vous disait tout à l'heure, Valéry Giscard d'Estaing avait bel et bien, jeudi dernier, envisagé l'hypothèse de sa défaite devant ses collaborateurs, et m'a même dit l'un d'entre eux, c'est la première fois en 15 ans de combat politique que je le voyais douter. Dominique, il va se passer des choses différentes tout à l'heure, vous souhaitez que nous revenions à vous? Non, écoutez, vraiment ici c'est terminé, je peux vous confirmer d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'autre réaction de Valéry Giscard d'Estaing que la lettre que vous avez lue en début de soirée, pas d'autre réaction, pas d'autre commentaire ici, c'est vraiment terminé. Nous revenons sur le plateau de France Inter TF1. D'abord, la Bastille, si vous le voulez, avant que nous venions à la une de l'humanité qu'Alain Fernbach a sous les yeux. La Bastille, François Vicard. François. Il y a quelques minutes, Pierre Juquin, qui est venu se mettre aux côtés de Paul Quilès et de Michel Rocard. Je vous propose d'écouter Pierre Juquin. Je suis heureux d'être ici avec mes camarades, à côté des camarades Quilès, Rocard, oui, Pierre Juquin, Monsieur Jean-Pierre Cotte, Paul Quilès, Claude Estier derrière. Que nous sommes ensemble et que nous allons marquer de nouvelles victoires, de nouveaux succès. Et pour conclure, je vous dis... Oui, François, je vous ai perdu, là. Ah, voilà, on voit la Bastille, on voit le monument. Et puis tout à l'heure, je vous donnais quelques réactions populaires dans différentes villes de province. Et bien maintenant, c'est un peu partout. À Toulouse, on défile dans les rues de la Ville Rose à bicyclette en brandissant des roses. En Alsace et en Lorraine, eh bien la bière coule à flot. À Nîmes, on défile dans les rues avec des orchestres. À Marseille, c'est le 14 juillet, nous dit une dépêche, ainsi qu'à Bastia, où la victoire de François Mitterrand est saluée par des salves de coups de feu. Et partout, nous disent nos correspondants et les dépêches de l'AFP, c'est un petit peu l'ambiance du 14 juillet. Et puis alors, une renaissance, Libération qui avait disparu il y a 3 semaines, tire aujourd'hui un numéro 0, où avec humour, il y a une photo de François Mitterrand, et enfin l'aventure, et Pierre Julie annonce dans un communiqué que Libération, et je sais que cette nouvelle réjouira beaucoup de lecteurs de Libération déçus par sa disparition, eh bien Pierre Julie annonce que Libération réapparaîtra régulièrement à partir du mercredi 13 mai. C'est au tour de Michel Rocard, l'ancien adversaire, de s'avancer sur la tribune pour célébrer la victoire de Mitterrand. On ne peut s'empêcher d'entendre un léger bémol quant aux chances de réussite de la politique du futur président. Nous avons tous combattu, espéré, rêvé. Nous voulons tous que ce pays change. Et pourtant, mes amis, ce soir... Je ne me sens pas le droit de ne pas vous dire que ce sera difficile. Ceux d'en face ont perdu le pouvoir politique. Ils ont perdu la présidence de la République et tout ce qu'elle représente. Et François Mitterrand, que vous avez vu dans toute cette campagne, puissant, combatif, convaincu, énergique, en pleine forme, sera sûrement à la hauteur de sa tâche. L'Aurore, 11 mai. François Mitterrand n'est pas le président que nous souhaitions pour la France en ces temps difficiles. Les électeurs en ont jugé autrement. Nous ne lui chicanerons pas sa victoire, même s'il la doit à une coalition hétéroclite, à des rencontres contre nature qui rendent peu cohérente la nouvelle majorité présidentielle. Est-ce Giscard que le citoyen a voulu punir, non sans infantilisme? Ou est-ce la persévérance de Mitterrand qu'il a jugé devoir récompenser malgré tous les risques pour le pays? Il est encore trop tôt pour faire l'autopsie d'un échec ou pour décomposer les ingrédients d'une victoire. Et peu importe après tout. Les pensées des uns et les arrière-pensées des autres. L'arithmétique électorale ne permet pas de pondérer les chiffres par l'intention secrète de l'électeur. Le fait est donc là, massif, Mitterrand, 16 ans après sa première tentative, est devenu le 4e président de la 5e République. Le vœu que nous formons, c'est que l'expérience ne soit pas trop douloureuse pour les Français et que l'amertume des « si j'avais su » ne vienne pas trop vite troubler leurs travaux et leurs jours. Bien, alors voici le fameux débat dit des intellectuels, René Andrieux, Sandor Meson et Jacques Julliard. Sandor Meson, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous écrivez dans le Figaro magazine sur l'unité nécessaire de la majorité. Est-ce que vous considérez que la défaite de M. Giscard d'Estaing aujourd'hui, dimanche 10 mai 1981, c'est le résultat de la désunion ? Plus qu'autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Je pense que la défaite de... Je ne sais plus s'il faut dire la majorité ou l'opposition. La défaite vient, à mon avis, de deux thèmes principaux. Je pense qu'une majorité de Français a eu envie de voir de nouveaux visages, d'avoir de nouvelles méthodes et de voir une nouvelle politique. Il faut se rappeler qu'aucun régime en France depuis un siècle et demi, à l'exception de la seule Troisième République, n'a duré 20 ans. Alors 23 ans, c'est évidemment une durée très longue. Ce thème du changement me paraît essentiel dans la défaite de l'ancienne majorité. Ensuite, le thème de la désunion. Et pour ne pas parler seulement du passé, mais pour parler de l'avenir, eh bien, je pense que pour l'avenir... Au troisième tour. Oui, je pense au troisième tour que M. Mitterrand, sur lequel M. Mitterrand s'est engagé. Eh bien, si l'opposition actuelle ne retrouve pas son unité, il est évident qu'elle va vers une nouvelle défaite qui sera d'une gravité extrême. Jacques Julliard, est-ce que pour vous, cette victoire de François Mitterrand marque un nouveau tournant de la gauche française ? Est-ce que c'est une nouvelle gauche ou, en fin de compte, la gauche classique qui a fait le plein de ses voix aujourd'hui ? Pour vous répondre, je voudrais faire un rappel historique. C'est la première fois que le suffrage universel porte au pouvoir un président de la République de gauche. C'est le cinquième président de la République qui est élu au suffrage universel. Le premier était Louis-Napoléon Bonaparte. En 1848, les suivants, vous les connaissez, c'est le général de Gaulle, c'est Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. C'est la première fois que c'est un homme de gauche. Et moi, je voudrais tout de suite en tirer une conséquence intéressante, c'est que j'y vois une réconciliation de la gauche avec un mode d'élection avec lequel elle a été longtemps brouillée. Et il y a longtemps, l'idée d'élection du président au suffrage universel était connotée d'une manière plébiscitaire. Ceci est en train de disparaître et je crois au fond que c'est une bonne chose. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de votre attention. Bonsoir. Le quotidien de Paris, 11 mai. Philippe Tesson. Les chiffres disent que si aucune voix n'a manqué à gauche hier à François Mitterrand, c'est à la pointe de plusieurs centaines de milliers de suffrages chiraciens qu'il a dû sa victoire. Il faut que soit dite et répétée cette chose, non point tant parce qu'elle est politiquement importante, Mitterrand saura en effet se libérer aisément de cette hypothèque que parce qu'elle souligne la responsabilité morale et historique de soi-disant gaullistes qui ont assuré hier, par haine de Giscard, la victoire de celui qui a mené depuis 1958 le combat le plus ardent contre De Gaulle. Bien, ben, puisque le marché est accaparé par ailleurs, je me tourne vers M. Chirac, dont j'espère que je crois avoir entrevu qu'il était prêt à faire sa déclaration. Peut-on me montrer l'image de M. Chirac qui est rue de Tilsit ? Voilà. Je vous remercie. Est-ce que M. Chirac nous entend ? Bonsoir, M. Chirac. Nous vous écoutons. Cette situation nouvelle risque d'ouvrir une période d'incertitude. Personne ne peut en effet sous-estimer l'importance et la gravité de ce qui est en jeu pour l'avenir de notre pays. Quant à moi, je suis décidé à poursuivre ce combat avec toutes celles et tous ceux, sans exclusive, qui sentent bien ce soir ce qui est en cause pour la France. Et j'indiquerai dans les prochains jours les formes que prendra cette action. Monsieur Chirac, est-ce que vous répondez à des questions ce soir ? Monsieur Chirac, non ? Est-ce qu'on ne peut pas dire, malgré tout ce soir, Claude Labbé, puisque vous êtes très attaché aux institutions de la Ve République, que pour la première fois, depuis qu'elles sont créées, depuis 1958, eh bien, ces institutions ont fonctionné dans leur totalité, puisqu'elles ont permis l'alternance, sans qu'il y ait de choc politique majeur ? Oui, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser ce soir. On peut se poser la question de savoir si nous n'entrons pas dans une République assez différente de la Ve. Ça, nous le saurons demain. Mais pour l'instant, il est vrai que cette élection s'est déroulée selon les règles de la Constitution et que M. François Mitterrand, sans aucun doute, constitue, puisque c'est pour la première fois depuis 23 ans, un choix différent qui a été fait par les Français, c'est effectivement la preuve que les institutions fonctionnent et sont solides. Mais, Réponse d'aujourd'hui, c'est l'alternance peut se faire dans ce pays. L'alternance peut fonctionner au niveau d'une élection. Est-ce qu'elle peut fonctionner ensuite au niveau d'un régime, des institutions? Nous le verrons. Nous ne sommes peut-être plus ce soir dans la Ve République. Monsieur l'abbé, il y a au moins un point sur lequel vous pourriez, je ne suis pas juge de vos sentiments, mais vous pourriez vous réjouir avec nous. Ce n'est pas possible que dans un pays démocratique, dans une république, il y ait en fait une constitution dont on pourrait vanter la valeur, mais à la condition que ce soit toujours les mêmes qui soient au pouvoir. Je pense que la constitution, oui, c'est un grand jour pour la constitution. Il est absolument indispensable que la constitution connaissent la contre-épreuve, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'avoir toujours les mêmes équipes au pouvoir, qu'il puisse y avoir les autres. Oui, mais... Et avec moi, vous pourrez sans doute dire, voilà une bonne constitution qui a permis l'alternance, les Français ont choisi les autres pour avoir la responsabilité du pouvoir. Eh bien, je crois que c'était absolument indispensable. Il y avait quelque chose même d'antidémocratique, qui serait devenu antidémocratique. La base de la démocratie et de la République, c'est justement qu'une opposition puisse devenir majoritaire. Oui, bonsoir, Monsieur Marchais. J'ai posé tout à l'heure une question qui est restée, disons, presque sans réponse à mes yeux. Pardonnez-moi, je vous la repose. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez dit tout à l'heure que il faudrait, disons, vous étiez prêt à participer, à prendre toutes vos responsabilités? Alors la question, elle est simple, Monsieur Marchais. Est-ce que ça veut dire négocier un programme de gouvernement? Si le programme vous convient, oui, vous allez au gouvernement avec le gouvernement, disons, de couleur François Mitterrand, socialiste, ou bien est-ce que ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord, vous restez, disons, dans une semi-opposition ou en tout cas un soutien extérieur, comme on disait autrefois? Moi, je suis sommaire, Monsieur Marchais, aidez-moi à comprendre. Vous n'êtes pas si sommaire que ça, vous l'êtes comme vous le voulez bien, Cavada. Non, pas du tout. Écoutez. Pas du tout. Non, écoutez. Oui, j'écoute. Dans l'hypothèse que je ne souhaite absolument pas, oui, et que les Français, et les Français, j'en suis sûr, ne souhaitent pas. J'entendais tout à l'heure Monsieur l'abbé, il croit que l'alternance avec les communistes est impossible. Eh bien, nous allons faire la démonstration que l'alternance avec un gouvernement, si on nous en donne la possibilité évidemment, mais que l'alternance avec un gouvernement de gauche, c'est-à-dire un gouvernement comprenant des ministres communistes, elle est aujourd'hui tout à fait possible, comme elle l'a été au lendemain de la libération, lorsqu'il y avait des ministres communistes. Je vous remercie Alain Fernbach, je vous remercie Joseph Paltou, Alain Lanceleux et Jérôme Jaffré. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Ce spectacle a été réalisé par Jean-Claude Delannoy et Pierre Sabag. Merci. Dans la nuit, face à la fuite des capitaux, des contrôles douaniers ont été mis en place aux frontières, visant tout particulièrement les grosses cylindrées en direction de la Suisse. Au matin du 11 mai, l'Aurore titre « Les Français ont choisi le risque » et déplore que les citoyens, par infantilisme, aient choisi de punir Giscard. L'alternance a donc joué. Les Français ont pour la première fois élu un socialiste à la présidence de la République, le 21e président de leur histoire. Valéry Giscard d'Estaing a quitté Chanona ce matin, il est rentré à Paris. François Mitterrand est lui aussi dans la capitale à son domicile de la rue de Bièvre. Il est allé se recueillir il y a 2 heures sur la tombe de son ami Georges Daillant. Raymond Barre vient de faire une longue déclaration que nous allons bien sûr analyser dans cette édition spéciale du journal de 13h. Le Premier ministre ajoute qu'il ira ce soir à 18h à l'Élysée pour s'entretenir avec Monsieur Giscard d'Estaing. Nous allons voir ça en détail en revenant bien sûr sur le scrutin d'hier, les reports des voix, les réactions en France et à l'étranger, et puis bien sûr le calendrier immédiat, la démission du gouvernement Barre, la passation des pouvoirs, les élections législatives du mois prochain et les premières mesures économiques et sociales. On connaissait déjà François Mitterrand, reste à faire le portrait du nouveau président, portrait politique, mais aussi portrait d'une personnalité ou d'un caractère. François Mitterrand lui-même a choisi pour sa campagne une image, celle de la force tranquille. Il reste que cette force, Yves Loiseau, n'est plus maintenant au service d'un parti, mais d'un État. Une des images types du président, c'est celle de l'homme marchant seul le long d'un étang, un chapeau noir à large bord sur la tête et une écharpe rouge autour du cou à la Bruant. François Mitterrand est un homme tranquille et on peut d'ores et déjà penser qu'il saura utiliser ses temps de loisirs pour retrouver sa campagne, celle des Landes. Latché, le petit bourg où il a sa bergerie, va devenir aussi célèbre qu'Auton, le château du président sortant. Jusqu'à présent, outre la promenade, il pratiquait, comme on dit, la littérature. C'est à Latché qu'il a écrit de très nombreux livres, dont le célèbre coup d'état permanent avec lequel il engageait le fer contre De Gaulle. Le verbe, le président aime le manier, on sait qu'il est un remarquable orateur. Même ses pires ennemis politiques à l'Assemblée nationale l'ont toujours reconnu. Reste la première dame de France, discrète. Cette fille de professeur Bourguignon partage la vie du président depuis 37 ans. Très peu attirée par les réceptions mondaines, Madame Mitterrand se sent partout à l'aise dans l'atmosphère, se sent surtout à l'aise dans l'atmosphère familiale, ce qui ne l'empêche pas de militer. Elle est une animatrice du comité Salvador. Comme le disait hier soir Claude Labbé, les Français ont choisi sans contestation possible François Mitterrand, mais ils n'ont peut-être pas pour autant ou pas forcément choisi la gauche. Je ne crois pas que ce soir on puisse dire que les Français ont choisi le socialisme. Ils ont choisi le changement, ce qui est différent. Et comment auraient-ils pu choisir le socialisme, puisqu'aujourd'hui, par la bouche de M. François Mitterrand dans toute cette campagne, ils ne savent pas ce que c'est. Le Figaro, 12 mai, Jean d'Ormesson. Monsieur François Mitterrand est désormais pour 7 ans président de la République. Nous en prenons acte. À nous de faire en sorte que cette substitution de personnes à la tête de l'État ne signifie pas en plus un changement de régime et le glissement du pays hors de la société libérale. Dans ces conditions affreusement difficiles, il faut gagner les élections législatives de juin. Il n'y a pas d'autre chemin pour y parvenir que l'union de tous ceux qui refusent catégoriquement le collectivisme d'inspiration marxiste désormais à nos portes. France Inter, information non-stop, Didier Leca. En compagnie de Jérôme Jaffray, nous allons, Philippe Tesson, avec vous, nous intéresser à nouveau aux résultats, à ce débat qui s'est amorcé hier soir sur la victoire de François Mitterrand ou sur la défaite de Valéry Giscard d'Estaing. J'insiste, qui a vraiment gagné, qui a vraiment perdu? Alors, sans vouloir manier trop volontiers le paradoxe, je dirais que finalement... Finalement, on ne voit pas de vainqueur très précis dans cette consultation. Bon, bien sûr, François Mitterrand est président de la République. Ça n'est pas une défaite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un succès personnel. Ça, oui, c'est un succès personnel qui couronne une quinzaine d'années d'efforts. Bien, mais est-ce un succès politique? Ça, c'est tout à fait autre chose. Il faut quand même observer que Mitterrand, au premier tour, n'a rassemblé sur son nom qu'un quart de l'électorat français. Il faut également observer, ça vous l'avez fait à plusieurs reprises, qu'il a fait le plein des voix de gauche au second tour, mais ces voix de gauche ne suffisaient pas à assurer son élection. Il a fallu que à ces voix de gauche viennent s'ajouter l'appoint d'un certain nombre de voix, centaines de milliers de Chiraciens, plus des voix de droite, vraisemblablement d'extrême droite, etc., etc. Ce qui ne fait pas une majorité de gauche. Donc, on ne peut pas dire que ça soit une victoire politique flagrante. Giscard d'Estaing a-t-il gagné, a-t-il perdu? Bien évidemment, en première analyse, en analyse élémentaire, il a perdu. Il n'est plus président de la République. Cela étant, n'oublions pas qu'il est le candidat qui, sur son nom, a réalisé au premier tour le meilleur score, et pourtant il était le président sortant, et pourtant il était impopulaire, et pourtant la grande majorité la bonne majorité du corps électoral avait des raisons de se plaindre de sa politique, etc. Je veux dire que il faut relativiser en quelque sorte la défaite de Giscard d'Estaing. Troisièmement, si vous permettez, Chirac. Est-ce que Chirac a gagné? Est-ce que Chirac a perdu? Bien sûr, il a consolidé peut-être une position politique, tactique, dont l'avenir dira ce qu'elle vaut. Mais je remarque une chose, c'est que un tiers de son électorat n'a pas suivi sa consigne, c'est-à-dire n'ont pas voté Giscard au deuxième tour, si bien que ces 18% du premier tour se ramènent, si je compte bien, à 12%. Chirac vaut actuellement, en termes électoraux élémentaires, 12% du corps électoral. Je n'appelle pas ça une victoire. Mais M. Mitterrand est président de la République. Absolument, Mitterrand est président de la République, mais quel président? Il est un président sans majorité. Merci. Avant de faire un nouveau point complet sur le résultat et sur l'élection de François Mitterrand, rapidement, René Chabot, deux mots de la météo. Ce sont encore les nuages qui dominent très largement ce matin. Le ciel est couvert dans de nombreuses régions. Il pleut sur la Normandie, à Cherbourg, à Lançon, des bruits dans la région parisienne, sur les Pays de Loire, le Poitou. Tout à l'heure, quelques orages éclataient encore dans la basse vallée du Rhône, vers l'hiver. Alors Jérôme Jaffray, quelle est votre propre analyse scientifiquement, avec tous les chiffres et toutes les statistiques dont vous disposez ce matin? Comment expliquer, si cela est possible, le succès de François Mitterrand? Deux choses, si vous voulez. Tout d'abord, au niveau des causes, vous évoquiez le vote sanction contre M. Giscard d'Estaing. Je crois tout de même qu'il faut rappeler, au profit de M. Mitterrand, l'élément de reconstruction d'un grand parti socialiste amorcé depuis une dizaine d'années, qui a un petit peu changé les données du combat politique en France, et sur lequel s'est cristallisé au premier tour le recul du Parti communiste et la montée de M. Mitterrand, qui, me semble-t-il, ont ouvert pour les Français la voie au changement et à l'alternance. Là, c'est certainement une raison positive pour M. Mitterrand. Au niveau maintenant des mécanismes immédiats du scrutin d'hier, c'est-à-dire au fond ce second tour par rapport au premier, ce qui frappe tout de même l'observateur, c'est la netteté du succès de M. Mitterrand. 4 points d'écart, plus d'un million de suffrages, 70% des départements qui sont passés ou sont acquis à François Mitterrand, c'est évidemment un succès considérable. Alors il a été rendu possible par plusieurs mécanismes et j'en retiendrai deux principaux. D'abord le fait que la discipline de gauche a joué et qu'elle a pu jouer dans la mesure où au fond le Parti communiste, les électeurs communistes ont conservé tout au long des querelles, des divisions de la gauche, un comportement très unitaire. Ce qui n'était pas le cas des électeurs socialistes. Eux, les électeurs socialistes, quand dans les législatives ou dans les cantonales, ils avaient affaire à des candidats communistes, on sait bien qu'il y a une partie des socialistes qui refusent de voter pour le candidat communiste. Mais en revanche, les électeurs communistes, eux, vis-à-vis d'un candidat socialiste, ils sont restés unitaires. Et là, la gauche a profité au maximum du scrutin présidentiel qui fait que c'est le même candidat sur toute la France dans une seule grande circonscription et qui s'est trouvé là que c'était un candidat socialiste. Donc, très large report communiste, même si on le fera peut-être tout à l'heure, si on rentre dans le détail, on peut voir probablement quelques réserves ici ou là. Sur les reports chiraciens en faveur de Valéry Giscard d'Estaing, les voix chiraciennes qui se sont portées sur François Mitterrand et les voix chiraciennes qui se sont tues au deuxième tour, Jérôme, vous avez des chiffres déjà? Des éléments d'analyse, si vous voulez. Au fond, nous partons d'un électeur à Jacques Chirac, 5 100 000 voix, 5 150 000 voix au premier tour de scrutin. Alors, Monsieur Charpie vient de dire que à peu près 600 000 électeurs de Jacques Chaban-Delmas en 1974 avaient fait défaut à Monsieur Giscard d'Estaing, et c'est effectivement à peu près les évaluations qui ont pu être faites. Là, avec un corps électoral sensiblement plus important, c'est vrai, c'est environ 1 200 000 voix, entre 1 000 000 et 1 200 000 voix des électeurs de Monsieur Chirac qui ont fait défaut. Alors, tous n'ont pas d'ailleurs voté pour Monsieur Mitterrand. Il faut le souligner. Le fait de s'abstenir, le fait de voter blanc et nul, je soulignais tout à l'heure que le taux de blancs et nuls dans les régions, dans les zones où Jacques Chirac était fort et particulièrement élevé, marque ce refus de choisir entre les deux candidats. Alors, c'est tout de même, je crois qu'il faut revenir aux mutations politiques qui sont intervenues entre 1974 et 1981. Entre 1974 et 1981, le rapport entre la gauche et la droite, c'est un rapport qui s'est resserré sensiblement. En 1974, l'ensemble des candidats modérés représentait 52,5% des suffrages. Au premier tour de cette élection présidentielle de 80, ils ne représentaient plus que 48,8%. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une montée de la gauche, plus 1% environ, et une montée du courant écologiste. En d'autres termes, là où l'indiscipline en 1974 a quand même permis à M. Giscard d'Estaing de l'emporter, parce que la marge dont il disposait était suffisante pour pallier ces indisciplines, elle n'était plus suffisante en 1981. D'où il était nécessaire à M. Giscard d'Estaing d'essayer de rallier entre les deux tours la quasi-totalité des électeurs chiraciens. En d'autres termes, il serait excessif d'imputer la défaite de M. Giscard d'Estaing au transfert des électeurs de M. Chirac. Ce qui est vrai, c'est que le très net succès de M. Mitterrand, 52% contre 48%, a été rendu possible par ce transfert. Dans cette session continue d'information ce matin, nous allons tout de même jeter un coup d'œil sur la météo avec René Chabot. C'est la seule petite parenthèse dans l'actualité politique que nous ferons, René. Oui, eh bien, de rares exceptions près, les nuages, les pluies, les orages vont dominer aujourd'hui. Il sera difficile de trouver le ciel bleu. Que se passe-t-il? Toutes les cartes montrent qu'il existe au-dessus de la France un vaste tourbillon. Les nuages avec les pluies et les orages qui les accompagnent sont pris dans ce tourbillon. Ils ne quittent donc pas la France, ils en font le tour. Seules les régions voisines de la frontière belge, celles du nord-est, peuvent compter sur quelques éclaircies durables. La Vendée devrait également échapper aux pluies. Pour les autres régions, Le Parisien, 12 mai. C'était sans doute prévisible. Un vent de panique a soufflé hier sur la Bourse de Paris. Ce fut un lundi noir. et certains n'hésitaient pas à établir un parallèle avec le krach de 1936. À l'origine de tout cela, le programme de nationalisation proposé par François Mitterrand et qui concerne 9 grands groupes industriels et les banques qui demeurent dans le secteur privé. Dès l'ouverture de la séance, les ordres de vente se sont multipliés dans la salle de la Corbeille. Première touchée, les actions des entreprises nationalisables. Rapidement, le mouvement s'est étendu à la quasi-totalité des valeurs. Mais si les ordres de vente émanaient de toutes parts, il ne se présentait pas d'acheteurs, même à des cours inférieurs de 10% à ceux de vendredi dernier. Au bout d'une heure et demie, on était parvenu à coter qu'une dizaine de valeurs sur les quelques 200 que compte le marché à terme. Devant cet effondrement, les autorités boursières, avec l'aval de la direction du Trésor, décidaient de reporter les opérations de cotation. Tout de suite, le point sur ce qui s'est donc passé ce matin à l'Élysée. Le Premier ministre a remis la démission de son gouvernement. Le président Giscard d'Estaing l'a accepté et il a chargé Raymond Barre d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle équipe. Un gouvernement de transition en attendant le verdict des élections législatives, car l'Assemblée aura été dissoute. Qui, pour ce gouvernement de transition, ce qu'on appelle les hommes à la rose? Arlette Chabot. Ce gouvernement sera en effet composé d'hommes qui ont soutenu François Mitterrand dès le premier tour. Il pourra par décret prendre quelques mesures sociales déjà annoncées, comme le relèvement des retraites, du minimum vieillesse, des allocations familiales. Quant au SMIC, le salaire minimum, il sera avec la réduction du temps de travail l'un des points essentiels de la négociation syndicat-patronat qui sera mise en route. Seconde tâche de ce gouvernement, l'organisation des élections législatives. C'est la raison pour laquelle le favori pour la succession de Raymond Barre est Pierre Mauroy. Le député maire de Lille est un vieux militant socialiste et il a aussi le profil rassurant du notable. Toutefois, s'il ne désigne pas un politique, François Mitterrand pourrait choisir pour Matignon ce qu'on appelle un technicien. Dans ce cas, le favori est Claude Cheysson, commissaire européen, dont le nom avait d'ailleurs été avancé il y a quelques mois pour succéder à Raymond Barre. Monsieur Cheysson est diplomate, spécialiste des problèmes du tiers-monde. Devrait figurer aussi Gaston Defferre, le maire de Marseille, on le voit au ministère de l'Intérieur, Jacques Delors, l'économiste, ancien conseiller social de Jacques Chaban-Delmas. Quant à Michel Rocard, personne ne peut imaginer aujourd'hui ce qu'il fera demain. Cette élection pose bien sûr de nombreuses questions. Valéry Giscard d'Estaing reste président pour encore 14 jours, mais déjà, François Mitterrand l'a dit, il y aura des élections législatives à la fin du mois de juin. Et d'ores et déjà, c'est le rendez-vous que se fixent les hommes politiques, ceux qui viennent de gagner, comme ceux qui ont été battus hier soir, c'était le cas d'Alain Perfitte. Ce troisième tour explique peut-être en partie son succès. Pourquoi ? Il a permis à ceux qui étaient animés par le refus de l'aventure de se dire, de toute façon, s'il y avait une aventure, on la bloquera au troisième tour, on la bloquera lors des élections législatives. Et par conséquent, si François Mitterrand tient les engagements qu'il a pris publiquement devant tous les Français, c'est-à-dire s'il y a un troisième tour, autrement dit si des élections législatives ont lieu le mois prochain, je suis persuadé qu'une majorité de Français peut montrer qu'elle refuse le projet collectiviste tel qu'il est inclus dans une coalition socialo-communiste. France Soir, le 12 mai. J'ai entendu dimanche soir à la télévision divers messieurs sérieux expliquer sérieusement la chute de M. Giscard d'Estaing. Selon eux, il est tombé à cause du chômage, de la vie chère, du SMIC. Ce n'est pas du tout mon avis. M. Giscard d'Estaing est tombé pour des bêtises. C'est d'ailleurs ainsi qu'on tombe la plupart du temps. Le bon peuple, qui est en général plus sérieux que les messieurs sérieux, disait, lui, que M. Giscard d'Estaing expiait par sa défaite le geste malheureux qu'il eut au début de son septennat d'aller serrer la main aux détenus dans les prisons. Le ci-devant président a aussi à son passif diverses bagatelles impardonnables. Son fagnon armorié, par exemple, ou encore son goût pour la chasse à la grosse bête. Je me souviens que lorsqu'il a été élu en 1974, il a accumulé les bévues. Il a refusé de se laisser mettre autour du cou le collier de la Légion d'honneur. Le bon peuple en a été extrêmement vexé. La sottise la plus considérable a été d'abaisser l'âge de la majorité à 18 ans alors que personne ne le demandait. Monsieur Giscard d'Estaing a trouvé contre lui dimanche une bonne partie de ces mineurs qu'il avait si sottement émancipés. Comment un homme aussi intelligent que M. Giscard d'Estaing a-t-il pu être aussi maladroit ? Et c'est que la politique n'est pas une affaire d'intelligence, mais plutôt d'instinct ou de génie. ces matières-là ne s'apprennent pas à l'ENA, ni à l'IX. Jean Dutour, de l'Académie française. La nouvelle opposition appelle à l'unité, mais chacun de son côté. Bob Marley est mort, le roi du reggae était âgé de 36 ans. Voilà, côté météo, pas d'alternance, nuages et orages sont toujours en place, l'élection présidentielle n'a rien changé. Voilà, quand vous voulez, monsieur le président. Française, Français, il y a 7 ans, le peuple français me confiait la destinée de notre pays. Cela a été un grand honneur pour moi de le diriger dans un monde difficile, dangereux, aux prises avec une crise économique, sociale et morale sans précédent depuis 50 ans. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, bonne chance du fond du cœur, sans amertume vis-à-vis des uns et avec une chaude reconnaissance pour les autres. Mes vœux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux. Et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Nuit de liesse populaire en France pour saluer le premier président de gauche de la Ve République, mais également pour fêter au-delà de la personne même de François Mitterrand, le changement politique ou l'alternance démocratique, ce n'est qu'une question de vocabulaire. À Paris, décidément, le ciel n'est guère à l'unisson de cette joie populaire. Une pluie, pas très forte mais tenace, tombe depuis plusieurs heures. Mais cela n'empêche pas complètement la fête. Françoise Gaujour, en direct du Quartier Latin. On dirait que personne ne s'en aperçoit. Au grand rendez-vous de la contrescarpe, il y a des cheveux mouillés, mais ça n'a aucune importance. Il y a des roses fanées dans des poches de jeans ruisselantes, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il y a aussi de la joie, un orchestre qui pourrait être brésilien ou antillais. Allez savoir, puisque tout le monde danse et chante en chœur. Il y a tant d'originalité, tant de jeunesse et de sourire que brésilien ou antillais, finalement, peu importe. L'important, c'est que les fusées de toutes les couleurs s'échappent de la foule comme les ballons en forme de cœur. Il y en a plus que des parapluies. Ici, on est monté sur les baraques avec des drapeaux rouges ou bien bleu, blanc, rouge. Plus fort on tape du pied, plus fort est le bruit, mieux c'est. Dans les bistrots, on fait la queue au téléphone. Tu viens chérie, je suis à la contrescarpe. Ça restera le mot de passe du 21 mai 1981. Élysée 81, victoire de Mitterrand ou défaite de Giscard. Merci aux documentalistes de l'INA et à Sophie Schleblin de la documentation d'actualité. Lecture, Samuel Glomé, Nathalie Canoui et Talia Haussmann. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Stagiaire, Talia Haussmann. Page internet, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Prise de son, Jean-Louis Deloncle. Mixage, Claude Niort. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Anne Fleury. Électrice, votant, abstentionniste, anarchiste, socialiste ou communiste, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans l'isoloir, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram.